Une Américaine dans les régions arctiques par Charles de Varigny. Dans le domaine de l'exploration lointaine et périlleuse, domaine presque exclusivement masculin, la femme revendique sa place et ses observations méritent d'être notées. De moindre valeur scientifique que celle de l'homme, ses observations sont plus curieuses et plus typiques, la femme excellente à relever les petits faits que l'homme néglige, les tenant pour indifférents, mais dont l'ensemble constitue un tableau graphique de l'existence des indigènes et des Européens dans ces contrées si peu connues. Madame Perry est américaine. Elle a tenu à suivre son mari dans son aventureuse exploration et sous le titre « Voyage dans les neiges à travers le Groenland », elle nous fait un récit vivant et mouvementé de ses impressions et de la vie qu'elle a dû mener. Elle s'en dit plus que satisfaite, prête à recommencer, charmée de ce qu'elle a vu et sans rien dissimuler des périls affrontés ni des fatigues acceptées. Elle estime que les uns et les autres sont plus que compensés par les jouissances éprouvées et la curiosité satisfaite. D'aucunes, en lisant son livre, ne sont pas de son avis. Elles déclareront qu'il n'est pas de paysage, si beau soit-il, que l'on puisse admirer sous des jupons glacés, dans des bas gelés et par un froid de 40 degrés au-dessous de zéro. Elles décideront que, en de pareilles conditions, les sites les plus merveilleux sont sans charme et qu'un igloo d'Estimo n'est à tout prendre qu'un bouge infect dont la seule description leur soulève le cœur. Elles n'ont pas tort, non plus d'ailleurs que Madame Perry. Cette affaire d'appréciation et aussi d'endurance, de force de résistance, et sous ce rapport, Madame Perry semble avoir été merveilleusement douée. Elle ne s'est aventurée en pareille affaire qu'après s'être assujettie à un entraînement méthodique. Elle était, nous dit-on, marcheuse intrépide, amazone expérimentée, chasseresse comme Diane. Elle s'endurcit au froid, à la fatigue, à la faim et à la soif, se fit encore docile à sa volonté, des muscles d'acier et des nerfs obéissants. En juger par le portrait que son biographe nous fait d'elle, ses charmes naturels n'y ont rien perdu. Peut-être même y ont-ils gagné s'il est vrai, comme beaucoup l'estiment, que la santé parfaite est la première condition de la beauté physique. Ses compagnons sont d'accord pour déclarer qu'ils n'eussent pu souhaiter compagne de voyage plus agréable ni moins gênante, d'humeur plus égale et de vaillance plus soutenue. Toujours prête pour les explorations les plus hardies et les plus fatigantes, se riant des privations et suppléant par sa gaieté à ce qui pouvait manquer à l'ordinaire. Sur un seul point toutefois, elle se montra longtemps réfractaire. Elle s'en confesse, s'en repent, puis récidive. Pendant la première et la plus longue partie de mon séjour dans cette région, écrit-elle, je me refusais obstinément à passer la nuit dans une hutte d'Esquimaux. Mais m'apercevant enfin que ma répugnance contrariait mon mari, qui me voyait avec peine passer toutes mes nuits campées dehors, je pris sur moi et cédai. Quel séjour, quelle nuit, il m'en coûte de le décrire. Et tout d'abord, je dus ramper sur les genoux et les mains dans un couloir de glace de plusieurs mètres de longueur et de niveau avec le sol extérieur. Arrivé à l'extrémité de ce boyau, j'aperçus au-dessus de moi un trou juste assez large pour laisser passer un corps humain. De ce trou pendaient des pieds nus et sales qui se retirèrent pour me permettre de me mettre debout. On me hissa par cette ouverture. Je me trouvai alors dans une salle de neige, assez large et arrondie. Au long des parois, des blocs de glace formaient tout autour une sorte de plateforme surexhaussée de 50 cm et large d'un mètre, recouverte de peaux de bête. C'est là-dessus que l'on s'asseyait, que l'on vivait, que l'on dormait, et ces peaux étaient à tel point peuplées de vermine qu'on les voyait remuer et presque se déplacer. Sur ce divan étaient accroupis la mère, la femme et les deux enfants de Tahatara, notre hôte. La mère était assise, les jambes repliées sous elle et l'un des enfants sur son dos. La femme, étendue tout de son long avec l'autre enfant près d'elle, avait, comme Tahatara lui-même, ses pieds nus et sales appuyés contre un quartier de faux glacé qu'ils dégelaient ainsi de leur mieux et qui représentaient notre souper. De temps à autre, quand ils sentaient que la partie du faux piétinée par eux devenait molle, ils en coupaient une tranche et nous l'attendaient comme un morceau de choix. Les enfants nous couvaient avec des yeux de convoitise et chacun de dévorer, sans sourciller, cette graisse crue que la famille dégelait depuis le matin. Ce que fut la nuit, on le devine, de reste. Une lampe fumeuse, alimentée par de la graisse de phoque et dont on léchait avec délice l'extérieur huileux, fit promptement s'élever la température de cet étroit réduit à près de 20 degrés au-dessus de zéro. Chacun alors de se dévêtir avec bonheur, humant cet air infect et chaud, indifférent à l'eau qui ruisselait des parois et aussi à la vermine que la chaleur ravivait. On conçoit qu'après une nuit pareille, Madame Perry signifia nettement qu'elle ne coucherait plus dans un igloo d'Esquimaux. Elle préférerait, et de beaucoup, camper dehors, tant bien que mal abritée, quelquefois pas abritée du tout. Il n'est rien tel que l'accoutumance. Il faut le croire quand on voit des babies que l'on déshabille, que l'on expose tout nu aux rayons du soleil, alors que le thermomètre marque 25 degrés au-dessous de zéro, et qui gigote en poussant des cris de joie au contact de cette température printanière. N'a-t-on pas découvert un jour sur la Volga, gelée à plus de 2 mètres de profondeur, une tribu d'Esquimaux descendue des régions arctiques, campant en plein air avec 20 degrés de froid et s'émerveillant de la douceur de la température? C'était là leur nis, leur canne, leur menton, leur station hivernale, dont ils savouraient les charmes, étonnés de jouir chaque jour de quelques heures de lumière et de n'être pas plongés dans les ténèbres de leur nuit de 6 mois. De tous les disconforts que dut endurer Madame Perry, le plus intolérable, déclare-t-elle, n'est pas le froid. On peut s'en défendre, réagir et lutter, mais la vermine lui a laissé une ineffaçable impression. Sa terreur était de voir entrer des Esquimaux dans sa hutte. Force était parfois de s'y résigner. Son mari devait les recevoir, obtenir d'eux des renseignements ou leur donner des instructions. Après chacune de ses visites, elle se hâtait de porter ses fourrures dehors, à l'ombre et au froid, pour détruire les insectes, puis elle balayait sa hutte et l'arrosait de sublimes corrosifs. Le soir, elle se frictionnait d'alcool par surcroît de précaution. Les indigènes, ajoute-t-elle, n'ont aucune idée de la propreté. Ils préfèrent la viande gâtée à la viande fraîche et ne font littéralement aucun usage de l'eau, si ce n'est pour la boire, et encore, ils préfèrent l'eau sale qui dégoûte des parois de glace de leur igloo surchauffé. Elle achetait aux Esquimaux des produits de leur pêche, notamment des fourrures et des peaux dont la souplesse lui parut remarquable. Elle voulut se rendre compte de leur procédé de tannage et eut un violent mal de mer en voyant une dizaine de femmes assises en rond autour d'une peau de daim qu'elle leur confia. Tout d'abord, elles grattèrent avec leurs couteaux les moindres parcelles de graisse et de chair qui adhéraient et les avalèrent gloutonnement, puis, se serrant les unes contre les autres, elles se mirent à mâcher énergiquement la peau et le poil. C'est leur unique procédé, avec une salivation active, pour assouplir ces peaux, qu'elles vous rendent souples et soyeuses. Elle se relaie à ce travail fatigant pour les mâchoires qu'une femme ne peut faire pendant plus de 4 heures consécutives sans prendre quelque repos. Il en va de même pour les peaux de phoque. Une femme seule ne peut guère mâcher convenablement plus d'une peau de daim par jour. Ce travail est d'ailleurs exclusivement fait par elle. Les hommes n'y prennent aucune part. Ce sont elles aussi qui cousent les peaux pour en faire des tapis ou de grandes couvertures. Madame Perry en avait pris une, des moins sales et des plus habiles à son service pour ce genre de travail. Son mari, dit-elle, venait de temps à autre la voir. Ils étaient mariés depuis peu et lui prodiguaient les témoignages d'affection. Il consistait à frotter sa figure contre la sienne en reniflant violemment. Grande chasseresse devant l'Éternel, notre héroïne put se donner à cœur joie contre les daims, les ours, les phoques, les marsouins. Ses aventures de chasse sont aussi nombreuses que variées. Sur ce sujet, elle s'enthousiasme et aussi sur les sites merveilleux qui se déroulent devant ses yeux, sur le paysage mobile et changeant de ces régions si peu connues. Elle décrit avec ravissement les banquises, grands fantômes blancs, errant aux caprices des vents et des flots, au long des côtes contre lesquelles elle se brise avec fracas, sur la mer où elle passe majestueuse, dessinant leurs formes pittoresques. Elle admire les champs de drift fuyant à l'horizon lointain, vastes nappes blanches déployées sur un amas de glace qu'elles égalisent, et que le voyageur parcourt sur ses longs patins neige, et aussi les drifts semblables à une mer fouettée par la tempête et dont les vagues auraient été subitement congelées. Au cours du fugitif été de ces régions, on la suit avec intérêt dans ses excursions vers le nord. Pas un nuage ne tache l'azur d'un ciel clair. La température au soleil s'élève à plus de 25 degrés au-dessus de zéro, température fatigante pour des voyageurs chaudement vêtus, car le soir venu, le thermomètre baisse brusquement, les flaques d'eau se congèlent et forcent de camper où l'on se trouve. Campement sommaire, consistant en sacs de couchage ouverts à chaque extrémité et dans lesquels 2 personnes se placent bout à bout. Le lit, qui repose directement sur une surface inégale et glacée, n'est rien moins que confortable. Après quelques heures de sommeil, on est fréquemment réveillé par des douleurs dans les membres ankylosés. Et comme un simple prélard isole le sac de la glace, ce matelas est toujours très froid. Les Esquimaux ont un geste familier pour exprimer la sensation causée par ce mode de campement. Ils secouent tout leur corps d'un frisson violent. En cours d'excursion, la nourriture est simple, la cuisine sommaire. Du café et du thé, des viandes et poissons de conserve. La chasse varie seule cet ordinaire dont on se lasserait vite sous un climat moins rigoureux. Les indigènes préfèrent la viande très faisandée. Ils mangent beaucoup, gloutonnement, résignés à déjeuner quand les vivres manquent, se gorgeant quand ils abondent, appréciant par-dessus tout un plat assez rare, la queue de baleine. Citons ici le menu d'un grand banquet de gala donné par un riche Esquimau favorisé par le sort. Le hasard avait fait échouer sur la plage, voisine de son igloo, une baleine, harponnée par des pêcheurs danois auxquels elle avait échappé, venant mourir sur la côte avec le harpon dans ses flancs. Après s'être nourri pendant les mois d'hiver, lui et tous les siens, de la graisse de ce cétacé, il avait réservé la queue pour la manger en été avec tous ses amis conviés en un grand festin, lequel dura 3 jours sans interruption. Le menu se composait de l'entrée obligatoire, des harengs séchés. Venait ensuite du phoque, séché et bouilli, puis du phoque encore, mais corrompu, et ce ne fut pas le plat le moins recherché. Après le phoque sous ses 3 formes, des guillemots rôtis, précédant la fameuse queue de baleine, dûment faisandée. À ce morceau de choix succédèrent du saumon séché, du renne séché, et enfin, comme entremets et dessert, des baies d'ampitrome nigrum assaisonnées d'huile de baleine et relevées par les débris provenant d'un estomac de renne. Pour boisson, de l'eau et du café. Madame Peary déclare en terminant qu'elle est prête à suivre son mari dans la prochaine expédition qu'il se propose d'entreprendre pour parvenir au pôle. Si le récit de ses impressions est pour tenter quelques-unes de suivre son exemple, il est pour en décourager beaucoup. Peut-être, en ce siècle de surprises et d'événements imprévus, une femme sera-t-elle la première à voir se dérouler devant ses yeux la mer libre rêvée par les explorateurs et à atteindre ce but prestigieux poursuivi par tant d'intrépides voyageurs, le pôle arctique. Madame Peary a tout droit d'y prétendre, par sa patience et sa force d'endurance, par son courage et sa sérénité d'humeur, par son acuité de vision et sa finesse d'observation, elle figure d'ores et déjà au premier rang des exploratrices contemporaines. Ainsi s'achève « Une Américaine dans les régions arctiques » par Charles de Varigny.